Président Balakane, je me retourne vers vous. Habib Ali Ireka représente-t-il une véritable menace au gouvernement du professeur président Faustin Akal Touadéra? Mais évidemment que c'est une menace. Il n'est pas le seul. Au-delà de le personnage dont je crois même qu'il ne faudrait pas lui faire beaucoup de publicité en passant, au-delà du personnage, il faut voir la. Le système qui est derrière, c'est le système terroriste. Terroriste qui est derrière, lui-même agissant pour le compte de l'impérialisme français, qui elle-même, n'est-ce pas, qui lui-même est dans, n'est-ce pas. Est-ce qu'on a déjà des preuves qu'il serait véritablement l'instrument préparé par la France? Mais pourquoi on n'a pas cité notre nom que lui? Évidemment. Évidemment. D'ailleurs, c'est vrai qu'il y a quand même des services d'intelligence qui travaillent. Mais bien sûr, bien sûr. Moi, mais avant lui là, l'autre pôle de déstabilisation qui était déjà en train d'être structuré au Soudan, au Soudan, des conversations ont été interceptées. C'est connu. Ils ont déjà du président qui devait remplacer toi. De là, c'est comme ça. Donc c'est pas une paranoïa, c'est un fait d'avoir pensé, c'est une construction de la géopolitique mondiale depuis la chute du mur de Berlin. Voilà, on a directement démontré ça ici, la fabrication, n'est-ce pas, du terrorisme comme matrice de la géopolitique du chaos. On a démontré ça, et puis des auteurs américains ont écrit, des chercheurs américains ont écrit, d'autres chercheurs l'ont écrit. Vous allez visiter, j'aime toujours dire que les gens ont fouillé les emails de monsieur Wikileaks, de Wikileaks. Ça s'appelait Julien Assange. C'est public, hein. Vous allez voir, c'est tout. Ceux qui veulent travailler un peu, vous allez voir. C'est même pas la seule source, il y en a tellement. Donc vous voyez comment on a structuré le monde, n'est-ce pas? C'est la doctrine de M. Brzezinski qui a structuré le monde avec ce qu'on appelait les états pivots, c'est-à-dire un ensemble d'états qui se retrouvent dans des configurations où, à partir de cet état-là, on peut déstabiliser 4, 5, 6, 6 états, états pivots, et comment on a planifié, n'est-ce pas? On a construit le terrorisme avec des objectifs géopolitiques précis. C'est clair et net. Et puis, le contexte de le Centrafrique a vécu depuis les années 60 jusqu'à nos jours, mais a vécu une succession de crises, de coups d'État qui ont plongé le pays dans l'une des plus longues crises du continent africain depuis les années 60, qui a fait de ce pays, on dit ça, c'est-à-dire un pays martyr. Martyr. Et pendant qu'il y a tous ces martyrs, on sait très bien que la France considérait que le Centrafrique était sa réserve de matières premières. C'était une réserve de matières premières pour les jours à venir, la France. Donc, vous voyez à quoi elle a destiné un pays. Alors, tout ça, tous ces désordres-là, ils ont permis, comme d'habitude, de mettre en place la MINUSCA, qui a fait des prouesses extraordinaires. Dans le pillage, dans l'encadrement des rebelles, tout ce que vous pouvez imaginer, et tout. Donc, il y a toute une longue chaîne ininterrompue d'actions, n'est-ce pas, qui s'inscrit dans le cadre d'une recolonisation de la Centrafrique qui était pratiquement achevée. J'ai l'impression. Alors, on va faire ça jusqu'à l'arrivée de la SELECA au pouvoir. Et on sait ce qui s'est passé. La SELECA, au départ, c'était avec l'assentiment du président du Tchad, l'ancien président du Tchad, le maréchal Déby lui-même, hein, à l'époque. Donc, il faut l'appeler ça. La France avait monté toute une histoire, on a réussi à entraîner le maréchal dans une escroquerie, il s'en rendra compte, mais il s'est rendu compte, à moins un, les mêmes Français sont allés déclencher un processus aux Nations Unies pour que le maréchal Déby soit traîné à la CPI, comme étant l'auteur, le parrain de tous les massacres qu'il y avait eu durant cette guerre. Il a fallu connaître les préfécalistes, on se mobilise ici pendant pratiquement des mois pour détruire ce projet. Donc, vous voyez très bien que le Tchad comme route pouvant servir, n'est-ce pas, à des dynamiques de déstabilisation en Centrafrique, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Alors, ce qui est nouveau aujourd'hui dans le cadre de cette sortie du communiqué du Centrafrique, c'est de saluer l'intelligence et la sagesse qui caractérise le gouvernement centrafricain dans l'approche dans la gestion de cette crise. Je vous dis pourquoi. Alors nous parlons. Il y a eu une action de solidarité extraordinaire entre le Tchad et la République centrafricaine dans le cadre de l'évacuation des ressortissants des deux pays au Soudan. Vous le savez, le Centrafrique n'avait pas les moyens de le faire, était bloqué. Et ils se sont entendus avec le Tchad, lui qui avait les moyens d'aller évacuer ses ressortissants. Le Tchad a accepté. Et en évacuant les Tchadiens, il a évacué tous les Centrafricains. Et madame la ministre des Affaires étrangères du Centrafrique a fait un communiqué pour saluer, remercier, n'est-ce pas, le Tchad pour cette action de solidarité. Inévaluable, qui n'a pas de prix. Et le communiqué que vous voyez, là encore, le Centrafrique dit, nous avons une excellente relation avec le Tchad. Ce n'est pas seulement de la diplomatie, c'est de la sagesse. Parce que qu'est-ce qui se passe? Pour ceux qui sont derrière ce projet, c'est d'abord un, c'est même la brouille entre les deux pays d'abord. C'était le cas avec Maréchal, le père. S'aimer la brouille entre les deux pays d'une manière ou d'une autre. Dès qu'il y a la brouille entre les deux pays, on pêche un autre trouble, pas seulement pour le Centrafrique, mais embraser toute la sous-région. Tout à l'heure, quelqu'un a parlé de l'enjeu soudanais, je crois, Stéphane ou Dr. Bakatinda, des enjeux soudanais. C'est-à-dire que la situation au Soudan, vous avez vu le Tchad a fermé ses frontières, les dirigeants du Centrafrique sont très vigilants. Très très vite, pratiquement à dents, c'est-à-dire qu'ils sont sous leurs dents depuis que la session au Soudan a déclenché. Parce qu'ils savent très bien ce qu'il y a derrière. Ils savent très bien que ce n'est pas seulement du Soudan qu'il s'agit. Les Américains ont un très grand projet. C'est au-delà. Les Américains occidentaux ont un très grand projet au-delà du Soudan. C'est tout le contrôle du Golfe de Guinée qui est en jeu. Donc, sagesse parce que, troisième argument que je vous mobilise, je le disais déjà dimanche, sur la manière d'aborder les questions liées aux relations tchado-centrafricaines, de l'aborder légèrement, sans tenir compte de la complexité de la situation. C'est ce que nous sommes dans le communiqué du gouvernement centrafricain. Je disais dimanche, vous croyez que les Français, s'ils veulent utiliser leur base militaire, si vous utilisez les bases militaires comme un moyen de stabiliser le Centrafrique, par exemple, pourquoi vous demandez la vie du président tchadien forcément? Dit-on. Donc, il faut croire que les gens, parce qu'ils sont installés là-bas depuis tellement d'années, ils font ce qu'ils veulent. Et aujourd'hui au Tchad, le président tchadien n'est pas, le pouvoir tchadien n'est pas dans la situation aujourd'hui où on peut demander à Barkhane de partir et Barkhane part. Déjà, le vieux du vivant du feu de vie, lui qui avait mis assez de temps au pouvoir. Il a fait une interview et il nous a dit comment ces gens de verse, ils ne payent rien, ils violent tous les accords qui les obligeaient à verser de redevances au Tchad. Le Tchad les interpelle, ils ne disaient rien. Depuis l'interview ici pour se plaindre de Barkhane. Et lorsqu'il a commencé à prendre, quand il a pris la tangente, comme on dit, pour en finir avec ça, ben, il a perdu sa vie. Il a été assassiné dans les conditions que nous connaissons tous. Assassiné. Mais sous débit, mais ces gens faisaient ce qu'ils voulaient, ils donnaient des faux renseignements. Le Tchad pays, ils donnaient des fausses informations qu'ils veulent. Donc, pour dire que c'est pour ça que nous devons avoir ce que j'ai appelé la pensée, une pensée africaine à l'égard de ces problèmes. La question de Barkhane, le Tchad n'engage pas, c'est pas le Tchad. C'est toute l'Afrique. Comme nous l'avons fait pour interpeller toute l'Afrique et cette fameuse Union africaine, qu'on ne lâchera pas. Que ben, les situations comme le Centrafrique, le Tchad, le Soudan, ça concerne, c'est pas seulement. Vous voyez que la guerre du Soudan concerne seulement les Soudanais. C'est de l'enfantillage de penser comme ça. Ça concerne pas seulement les Soudanais. Rien que l'enjeu régional de la guerre au Soudan, ça concerne l'Égypte, ça concerne l'Éthiopie. On peut même pas aller loin. Ça continue même jusque dans le Moyen-Orient. Israël est impliqué à un niveau que vous ne pouvez pas imaginer. Je ne parle pas des Américains et consorts. Parce qu'il faut bouter les Russes hors du Soudan, par exemple. Donc, vous voyez comment. Or, que fait l'Union africaine? Vous avez entendu l'Union africaine brancher, c'est une affaire du Soudan. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Alors, nous parlons. Les pourparlers entre les deux se tiennent où? ça doit avoir lieu. En Israël, c'est un pays africain. C'est un pays africain. Et quand cela va se tenir à Israël, là, vous aurez contrôlé, quoi. Vous allez dire quoi? Donc c'est sérieux. Il n'y a pas de point de vue africain dans la gestion des crises comme cela. Il n'y a pas un point de vue africain. En face de nous, nous avons des gens qui ont une démarche globale. Quand ils sont venus coloniser l'Afrique, ce n'était pas un pays, c'est l'Afrique. Et quand il y avait des soucis, ils s'assoient à Belay, ils se partagent. Et ils dînent. On les fait le partage. Il a dit, c'est ça, la pensée africaine sur la question. Et on voit très bien que les deux gouvernements sont conscients de cet enjeu-là et font preuve de sagesse. Il y a un précédent. Lorsqu'il y a eu le fameux incident de Kilomètre 5, tu te rappelles, où il y a eu des morts, l'armée sud-africaine était obligée d'entrer même dans une partie du territoire africain, c'est-à-dire, ça a déclenché une crise grave, les deux pays étaient au bord de la guerre. Qu'est-ce qui s'est passé? On a bien vu comment le pouvoir tchadien balançait entre différentes factions. Une faction pro-française qui appelait à la guerre, pratiquement, animée par l'ancien ministre des Affaires étrangères. Vous croyez? Mais lui-même manipulé par le français. Et ça tirait de partout. Mais nous avons compris ici, on a fait un travail profond ici, et le président Mahamat Dabi a pris la bonne décision de s'entendre avec son frère. Ça va le coûter cher parce qu'après, je ne le sais pas, je peux vous le dire ici, après c'était grave, hein, il y avait des réunions, il convoque les réunions, d'autres ne viennent pas. Il y avait des crises sérieuses d'autorité avec les différentes certaines composantes du pouvoir, du pouvoir au Tchad. Vous vous souvenez qu'à l'époque, on a dû, subitement, l'armée a décidé de lui faire passer général. Il n'y a pas de hasard, hein? Il est passé général. Et deuxièmement, vous avez vu qu'après, le ministre des Affaires étrangères, qui était je crois, le neveu du feu maréchal Déby, a démissionné de son poste. Ça vous dit rien? Il a démissionné. Et en disant que ça ne sert à rien qu'il reste là, parce qu'il se rend compte qu'en fait, on l'a réduit à un rôle de façade. Il a fait compliqué. Donc, pour dire qu'il y a des contradictions graves au sein du régime tchadien à l'heure actuelle, ce n'est pas évident. Et la France manœuvre, comme d'habitude, elle manœuvre. Les Français ont fait croire aux gens que ceux qui ont placé le fils Mahamat Dabi au pouvoir, les gens ont cru, non? Mais c'est conclu. Ils comptaient tous les jours à réciter ça. Mais pourtant, nous étions assis ici à 13h. À 13h, criant ici, tu n'étais pas là, Fanga. À l'époque, tu n'étais pas là. Ici à 13h, criant. Interpellant le président de la CEMAP, le parti président, qui a écrit pour reconnaître le régime de Mahamat Dabi. C'est ça qui va déterminer le changement de M. Macron. À l'instant, il va changer, revoit sa démarche et venir au faire la confusion pour dire que non, c'est moi qui t'installe. Donc, il y a de ces manœuvres-là. Donc, on est dans un environnement extrêmement complexe, dans cette sous-région-là, surtout entre le Tchad et le Centrafrique, jusqu'au Soudan, ces différentes frontières-là. On est dans un environnement, c'est complexe parce que c'est même la route principale, une des routes principales de la déstabilisation. C'est comme aujourd'hui dans le Sahel. Regardez la configuration entre ce qu'on appelle les trois frontières. Contre en sont pratiquement un non-mass land. Comment est-ce qu'un pays fait pour contrôler ça? Vous voulez contrôler ça en tant que Malien, on vous a mis en garde le Niger. Ouais. Vous voulez contrôler le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire sort là. Donc on a créé un chaos qui permet à la France de manœuvrer comme elle veut. Maintenant, la France ne parle plus. L'équipe monte en puissance. La Zawad, la CEMA. On met la CEMA devant. On dit qu'elle est suramée. Va faire ceci, machin et consort. Les généraux du Niger font des sorties intempestives. Mais ça fait rire les nez. Mais on comprend tout ce qu'il y a derrière. Le Niger est suramé par l'OTAN. Quand la communauté internationale dit que non, on va suramer le Niger. Tout ça, c'est quoi? Tout ça, c'est quoi? On a tendance à écrire le Mali. Le Mali? On a vu comment, avant qu'on arrête les militaires là, qu'on avait pris en flagrant délit de vouloir déstabiliser le Mali à l'aéroport, avant qu'on les arrête, mais il y avait tous les schémas, comment est-ce qu'on infiltrait le Mali à partir de la Côte d'Ivoire pour aller opposer les communautés du centre du Mali? Tout à fait. Vous voyez ces choses-là? Mais il y a des traces, on a même le numéro de leur carte d'identité, les noms écrits dessus, les fonds donc, que les gens empruntaient. Donc pour dire que il faut se méfier des récits qu'on nous vante sur ces questions-là. La loi est simple, diviser pour mieux régner. Au Soudan, on a cassé le pays en deux. opposant. D'abord, on réunit les deux généraux, les deux hommes forts. On les oppose. Mais quand vous allez fouiller, vous voyez que les deux hommes-là, que ce soit le général de l'armée soudanaise, que ce soit M. Emeti, mais les deux, pourquoi les deux sont d'accord avec Israël? Ils s'entendent avec Israël. Faut-il les pourquoi? Pourquoi? Vous voyez comment les deux, au départ, sont fabriqués, c'est-à-dire que sont fabriqués par Israël. Les Américains. Après, le général qui est là, après ça, il y a un chamboulement des alliances à un moment donné. Le général qui est là, il y a l'enjeu de la base militaire russe. Hein? Le général qui est là, il dépend de l'Égypte, il a des contraintes ici. Les Américains sont derrière, ils jouent, ça n'avance pas. Un matin, vous dit, allez, la guerre est plus entre les deux. L'enjeu, c'est la Russie. Mais celui, même parmi les deux, les deux, Bourhan fait semblant de se rapprocher des Russes. Et Emeti, on le dit même qu'il travaille avec Wagner. Mais tu grattes pour ça, tu te rends compte que, mais au départ, les deux, ça dit qu'ils sont comme ça avec Israël. Vous voyez comment c'est complexe? Donc, comme ça avec Israël. Donc, Américain. Mais toi. tu as très bien compris. Mais c'est tout. Alors, donc, vous fouillez, vous voyez ça. C'est complexe. Mais tout ça, c'est quoi? C'est le chaos s'organiser en connaissance de cause. C'est le chaos. Comme les Américains ont décidé de diviser le Soudan parce qu'ils voulaient arracher le pétrole aux Chinois. Et pour ça, ils ont réussi. Ils ont créé le Soudan. De toute façon, cette rébellion-là, Salva Kiir s'est trouvé que c'est un agent israélien. C'est connu. Salva Kiir. C'est connu. Donc, on est dans la même situation de une explosion tectonique. Mm-hmm. En géopolitique, ça veut dire qu'on fait exprès. Ça veut dire que lorsque on se rend compte que il y a une distribution de rapports de force géopolitique au niveau global qui peut impacter certaines zones pivots, on court le premier, c'est-à-dire on fait exploser la région pour empêcher un nouvel acteur géopolitique qui est au cœur de la redistribution des cartes de venir préempter, bien devenir, comment on dit ça, devenir déstabiliser, n'est-ce pas, un statu quo avant qu'il faut fêter, par exemple, qui faut fêter aux Occidentaux. C'est leur travail. Lorsque M. Macron fait son discours, là, son dernier discours, là, qu'il fait là, avant d'aller sa tournée, pour vous, cette tournée, c'est quoi? Il y avait quoi derrière cette tournée? C'était quoi? Il est trop gentil, il vient se balader, il n'a rien à faire. Non, c'était une offensive. Et tout ça était derrière. Déstabiliser le Centrafrique. On connaît. Moi, quand j'ai le document, quand j'ai l'élément, moi j'ai l'élément sonore hein, du complexe de pour le Soudan. Où les gens parlent. Mais qui est derrière? Ils vous avouent qui est derrière? La France. Hein, tout ça. La France. Et si la France se rend compte que ben, la France, elle a plusieurs fers au feu, elle peut partir du Soudan ou elle part du Tchad. Du Tchad. Enfin, c'est la même chose. Elle part du Tchad. Tout ça, c'est ça qui est derrière. C'est ça qui est derrière. D'accord. Donc, moi je salue, il faut saluer la sagesse. Centrafricaine qui a très bien compris cet enjeu-là, la sagesse. Et je crois que le président de transition du Tchad, il a des erreurs qu'il peut commettre. Il faut le dire clairement. Je pense qu'il n'est pas idiot parce que je vais chuter par là. Mais qu'est-ce qui a perdu le maréchal de Bille? Ça commence où? Ça commence quand il se laisse entraîner dans l'enjeu centrafricain par M. Hollande. C'est M. Hollande qui fait quoi à M. Déby qu'il va être le nouvel enfant de la sous-région, finir avec le Cameroun, Boko Haram, et il va devenir l'enfant. À un moment donné, c'est pas par quel moyen les Français l'ont obligé à jouer ce jeu. Et quand il comprend ça, quand il comprend, parce qu'évidemment, le protège camerounais va à l'Elysée en plein parler de l'Élysée, il dit, je suis venu ici combattre le Boko Haram. Regardez le visage de M. Hollande. Regardez la réaction du président de Bille, de M. Hollande. Du fait de Bille. Vous allez comprendre que mais, tout le monde était surpris parce que le vieux, lui, en silence, s'était préparé. Boko Haram échoue au Cameroun. Le temps qui avait été réellement imparti pour que l'opération arrive au bout, n'est-ce pas, le président de Bille se rend compte que, mais dis donc, dans quoi est-ce que je suis entré? Mais on m'a... J'étais trompé à tout point de vue. Il va initier une visite à un 17h au Cameroun. Il faut rappeler cette histoire-là. Et à 17h, il est reçu par le patriarche qui dit, nous saluons notre frère qui a retrouvé le chemin de la concertation. C'était aussi clair. 17h, le président Diallo dit, on salue notre frère qui a retrouvé le chemin de la concertation. Autrement dit, Tu as enfin compris que tu dois l'impasse. Et à l'époque, quand le président Déby reconnaît la SELECA, le président Biya fait quoi? Tu te fais à l'époque ici, le président Biya ne reconnaît pas le SELECA et il a, durant toute la durée de monsieur de ton au pouvoir, il a dit tu ne. Il n'y a pas papier. Il y a eu un sommet sur le golfe de Guinée. Mmh. On a tout fait, les Nicosse, monsieur, je ne connais pas, il n'était pas au Cameroun. Mmh. Et Bozizan a été hébergé ici pour un temps. Vous comprenez donc? Il faut rappeler ces faits. Ça a coûté, c'est à partir de là que le maréchal, feu président Déby, que nous adorons, que nous avons tant. Bertrand, c'est notre papa. Mais je rappelle ça à titre pédagogique, hein, mmh. des faits. C'est à partir de ce moment que le président Déby entame sa reconversion géopolitique. Il ne devient pas l'africaniste. Et il décide qu'on ne le reprendra pas. Ça va finir par sa mort. D'accord. Merci. Afrique Média. Le monde, c'est nous.